Vous écoutez Arc-en-Ciel, il est 15h. On est d'accord, j'ai l'air de rien. Sous tout rapport, je vous préviens que face à vos emplois du temps de popstar et juste en grattant sur ma guitare, c'est tout votre succès commercial. Et je crois de manière cruciale que vous devrez revoir à la baisse des parts de marché de votre show business. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Loin de faire vos tournées mondiales, bien caché dans mon corps social, je ne suis pas une chanteuse à voix. Et même si vous dansez bien mieux que moi, l'hégémonie faite en cartel, des égéries en porte-jartel, au cœur de cible du système, dans le genre du panel même. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. C'est pas du groove, c'est pas du funk. Je ne me cache pas comme les Daft Punk. Et loin de vouloir changer le monde avec ces 3 minutes et ces 54 secondes dans le format et les quotas, à l'inverse de David Guetta. Et quand je me permets des oh yeah, c'est toujours dans la langue de Molière. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. d'une route goudronnée, l'asphalte commence à craquer. On peut balayer la poussière et s'asseoir en haut des rochers. Le thé mélangé vert subtil au bout des rails du métro, reposant son esprit tranquille, l'air s'emplit de parfums nouveaux. Gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers royaux, tu préfères jouer les agresseurs. T'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Tu te regardes sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps. Tu t'éparpilles dans les airs grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit. Elles ne te laissent jamais seule, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tu as déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie. Choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent. Des nuages pris entre les dents. Tu voudrais partir sur la mer, comme les marins de Fastinger. Sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? vais laisser Paris pour suivre une fille, une jolie brune de Malo près d'une. Une fille du Nord qui a pas froid au corps et qui parle pour de haut. Quand je suis silencieux, y'a pas de sacrifice, alors pas de jocrisse. C'est l'aimant de sa peau qui se colle à ma peau. Et quand tombe sa robe, je compte les orbes qui s'affrètent à ma tête comme des allumettes. Là-bas le ciel charrie de l'eau presque autant que la mer. Et pour trottiner dans la boue, j'aurai des bottes en caoutchouc. Du-du-du. En partant mes amis, je décide une vie gagée sans cotillon et sans rose au balcon. Et puis sans face et si je lègue les banderies qui m'ont courbé à tort comme une mandragore. Là-bas le ciel charrie de l'eau presque autant que la mer. Et pour trottiner dans la boue, j'aurai des bottes en caoutchouc. Là-bas les gens ont un accent à couper au couteau, mais eux au moins, les jours de fête, ils fanfarent à la trompette. J'aurais laissé Paris pour suivre une fille, une jolie brune de Malo-Brédine. Quelle jolie chanson. La fille de Malo-Brédune. Permettez-moi de la dédier à mon copain Patrice, parce que Malo-Brédune, c'est son pays. Et je sais à quel point il est attaché. Bonjour à tous. Bon après-midi sur la radio. Nous allons écouter de la belle chanson, écouter quelques bons jazz, et puis nous nous retrouverons à 17h. Et à 17h, ce sera La vie comme elle va, l'émission où les livres ont la parole sur Radio Arc-en-Ciel. On y retrouvera bien sûr Irène, Eliane et Jean-Pierre qui partageront leur passion des livres. La vie comme elle va. Et elle va plutôt pas mal, comme dit Irène. Car à 18h en plus, on retrouvera Violette et son émission traditionnelle. Et puis, vous savez, Violette est partageuse. À 19h, elle ouvrira son agenda des sorties et vous invitera certainement. Et Dieu sait si elle danse bien. Musique traditionnelle d'ici, d'ailleurs, d'hier, d'aujourd'hui. Entre 18h et 19h30 sur Radio Arc-en-Ciel avec Violette. Mmh. sans micro ouvert, l'émission de Valérie, que j'ai le plaisir de vous présenter. On aime quand les générations se rencontrent. Et là, c'est le cas entre Thomas Bennett et la grande Dana Crawl. Wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise. That's what I love to see. You've made my life so glamorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that you should care for me. Je vieillirai avec, que ça me plaise ou non. I ran up to the stars cause I had to get my wish, asking for waiting for peace for everybody. I ran up to the stars cause I'm tired of the wars, asking for waiting for peace for everybody. Oh, oh, oh, I've got so much pain. Oh, oh, oh, when you hurt me, brother. Oh, oh, oh, would you make me happy? Oh, oh, oh, please kiss your neighbors. Can we stop fighting each other? I see you smiling, I hear you say yeah. Can we just live in peace together? Yeah, we got feelings. We got so much feelings. We got so much feelings. We got so much feelings. So much feelings. Dee da da dee da da doo da da dee da da dee da da dee da da da da dee da da dee da da dee da da doo da da dee da da dee da da dee da da da da dee da. I ran to the stars cause I want the light again, asking for waiting for a peace for everybody. I ran to the stars cause I hope I understand, asking for waiting for a peace for everybody. Oh, oh, oh, I've got so much pain. Oh, oh, oh, when you hurt me, brother. Oh, oh, oh, would you make me happy? Oh, oh, oh, please kiss your neighbors. Can we stop fighting each other? I see you smiling, I hear you say yeah. Can we just live in peace together? Yeah, we got feelings. We got so much feelings. We got so much feelings. We got so much feelings. So much feelings in the sky. I try to reach your decision, waiting for destination. That we change everything. Though in the sky I try to guess what you're thinking, hoping for a sign that we change everything. No, can we stop fighting each other? I see you smiling, I hear you say yeah. Can we just live in peace together? Yeah, we got feelings. We got so much feelings. We got so much feelings. We got so much feelings. So much feelings. Dee da da dee da da doo da da dee da da dee da da dee da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Toute ma vie j'ai lu la même page, même livre, la même image où y'a que la marée qui arrive. Briser ma cage, partir vers d'autres rives. Catherine, grimper les escaliers de la mer jusqu'au ciel, chasser les cyclones et les orages avec elle, écrire mon roman d'amour toujours autour d'elle. Catherine. De la rue, je l'ai assez vu. Des homards bleus, j'en ai eu, puis j'en veux plus. Le paradis du petit Jésus, j'y crois plus. Catherine. suis né du feu et du froid, du ventre d'un pays, aux avant-goûts de paradis. Au bout du chemin de la soie, royaume interdit, je sors des fleuves de l'Asie. Les couleurs de la musique sont dans Micro Ouvert. C'est pour ça qu'on a passé, par exemple, les sonorités très typées de l'ami Rashmikant et son fils de l'Himalaya. Yeah. rien d'amusant. Concert inintéressant. On boucle les cris d'enfant. T'éloigner de tes 20 ans. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Mon téléphone. Don't

Heaven knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just touch my cup. You're my sugar, so sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, honeysuckle rose. a dit le monde appartient au lève-tôt. Il aurait mieux fait de rester au dodo. Des idées comme ça pour faire de vieux os. Faut pas que ça traîne trop dans le cerveau. Car il est bon de ne rien faire. De temps en temps prendre un peu l'air. Se retrouver les idées claires. Tout en fredonnant un petit air. Un jour le travail c'est la santé. Il aurait mieux fait de rester couché. Les idées comme ça faut pas les ébruiter. Il vaut mieux les garder dans son jardin secret. Il y a dit un jour qui veut peu. Il aurait mieux fait de dormir un peu. Les idées comme ça faut pas les prendre au sérieux. Faut pas que ça devienne contagieux. Car il est bon de ne rien faire. De temps en temps prendre un peu l'air. Se retrouver les idées claires. Tout en fredonnant un petit air. C'est de l'argent. Il aurait mieux fait d'avaler ses dents. Des idées comme ça, ça rentre par devant. Et ça ressort aussitôt par le fondement. Car il est bon de ne rien faire. De temps en temps prendre un peu l'air. Se retrouver les idées claires. Tout en fredonnant un petit air. Car il est bon de ne rien faire. C'est de loin ce que je vais faire. Me promener la tête en l'air. Tout en fredonnant un petit air. Paparaparababaram. Paparaparababaram. Paparaparababaram. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti comme ça. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti revivre avec moi. C'est quand les jours où tu vivais et tu souriais pour nous. C'est quand les fois où on était tout seul à rire comme des fous. C'est quand les jours ensoleillés où tu riais aux éclats. C'est quand les nuits à Nouvelle-Gé où tu rêvais d'être avec moi. Toi la vie elle s'est changée, j'ai toujours misé sur nous. Je pense prouver que tu t'es trompé, que tu t'ennuies, cela vous. Allez, viens danser, laisse faire tous tes rendez-vous. Pense à nous deux au bon vieux temps, à quand on riait comme des fous. Pense à ce que tu vas manquer si tu décides de nous ignorer. À quand la chance de tout revivre et d'effacer le passé. Tu peux en parler, tu peux y rêver. Tu peux y penser, mais tu n'es pas ici. Tu peux t'en passer, tu peux ignorer. Tu peux m'oublier, mais je suis encore ici. C'est fini, viens danser avec bailamos, moi. Bailamos, mi amor. Bailamos. Nous deux, c'est fini, viens danser avec moi. dans ses bêtes, une dernière fois j'étais dans la peau. Viens le souvenir, viens profiter, oublie tes peurs et ta honte. Viens profiter, viens avec moi, ma baby, baila conmigo. Viens chanter combien t'aimais ça et combien ça te manque. Ma señorita, t'es précieuse et je m'en voudrais pas essayer. Si jamais tu décidais quand même d'oublier qui on était. Ma señorita, j'ai voulu changer, mais t'étais déjà loin. Donne-moi une chance et ce soir, viens, on va danser jusqu'à demain. Je vais pas supplier toute ma vie, mais je vais tout faire. À savoir que j'ai tout donné, mais que toi t'en as rien à faire. J'aurais voulu changer les choses, mais semblerait que c'est pas si simple. Baila conmigo, bébé, ce soir on oublie tous nos problèmes. Viens parler, tu peux y rêver. Tu peux y passer, mais tu n'es pas ici. Tu peux t'en passer, tu peux ignorer. Tu peux m'oublier, mais je suis encore ici. Baila amor, mi amor, baila amor. Nous deux c'est fini, viens danser avec baila moi. Baila amor, mi amor, baila amor. Nous deux c'est fini, viens danser avec moi. Tabernas da Alfama, ninguém diria que o fado viesse a ter boa fama. Era a canção da bordeira e do calão, da refiagem e capelão e dos fadistas de Samarra. E maldiria a madragoa e a moraria que em Lisboa ainda haveria assim tal gosto pela guitarra. Adeus tardes toiradas, com guitarras e cantigas. Adeus noites bem passadas, com bom vinho e raparigas. Hoje os fadistas estão tratados por artistas e aclamados nas revistas com ovações delirantes. Vestem do bom e por ser chique e ser do tom já vão à tarde. Na Odeon, se as matinés são elegantes. Hoje o fado já não tem a rufiagem por tema. Curiu-se, já é alguém e até já vai ao cinema. O fado agora é pedido a toda a hora e ouvido pelo mundo fora com alegria e agrado. E há de chegar a Hollywood e ter lugar, pois não se ilude quem pensar que há de ser grande o nosso fado. C'était Monsieur Fernando Farinha, un des grands fadistes portugais, bien entendu. Et ma foi, ce joli morceau, bien je le dois à mon copain Argemiro. Je suis allé fouiller dans ses affaires, voyez-vous. Argemiro, vous le retrouverez dès demain matin entre 9h et midi sur Radio Arc-en-Ciel. Ça s'appelle Vozes de Portugal, hein, la voix du Portugal, et c'est quelle voix du Portugal! There was this Joe leaning on the back door, a couple of jills with their eyes on a couple of bills. Their eyes were steady, their eyes were waiting to get their hands on some easy money. They flipped a dime. One said, well, I'll take heads this time. One step up, one step back. One loosened up the shoulder strap. She couldn't speak, her knees could weak. She could almost taste it. Easy money. There was this old black cat sitting in an old black Cadillac. The jewel smelled sweet. She curled up at boyfriend's feet. She said, I got a plan, listen, Sam. How do you like to make some easy money? He said, yes. Oh, tell me what you want me to do. She said, baby, you can trust me. Baby, well, you must be hiding in my room a quarter to two. Well, the cat told the boy, come back to the room and play with my toy. But the Jill said the bait and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy was wise to all his lies, and then he flies out the door with it. Easy money. Fado choisi par Monsieur Archimiro. C'était un petit jazz avec une jolie voix féminine, celle de Cécilie Norby. À quelle sauce allez-vous être mangé cet après-midi? Eh bien, à 17h, c'est un rendez-vous qui est maintenant bien connu. C'est celui du livre sur la fréquence. La vie comme elle va. L'émission où le livre fait son show. Alors bien sûr, on retrouvera Irène, Eliane et Jean-Pierre, et puis des invités encore ce soir, puisque ce sont les amis du Bastringue qui viennent nous rendre visite. Et oui, ils nous préparent quelque chose à la passerelle en fin de semaine. Vous saurez tout. Et puis à 18h, traditionnel, Violette, une heure et demie de musique, à danser, à chanter. Un vrai régal.

La jeunesse dans les poches